Activité 2, page 10. Piste T. Salut, je m'appelle Lucas. Et toi? Salut Lucas. Moi, c'est Claire. Enchantée. Enchantée Claire. Tu as quel âge? J'ai 9 ans. Moi aussi. Super. Lucas, tu aimes quelle matière à l'école? J'adore l'histoire. Et toi? J'adore les mathématiques. C'est cool.